Question 33. Je peux dépasser la file de cyclistes en une seule fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisserai un intervalle minimum de 1 mètre, réponse C. 1 mètre 50, réponse D.